19-24, activation orale, le passé composé. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Qu'est-ce que vous prenez? Et vous dites? Nous avons commandé un cire. À vous. 2. Qu'est-ce que tu prends, toi? J'ai commandé un cire. 3. Qu'est-ce que Mireille prend? Elle a commandé un cire. 4. Qu'est-ce que Mireille et Robert prennent? Ils ont commandé des kirs. 5. Qu'est-ce que vous prenez, vous deux? Nous avons commandé des kirs.